remember your name, 'cause there ain't no one more to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Le groupe America sur RGM, presque 8h37. Ils sont nés un 12 septembre 1931. Naissance de Ian Holm, acteur britannique, vu dans Le songe d'une nuit d'été. Mary Stuart, reine d'Écosse. Greystoke, la légende de Tarzan. Hamlet, connu surtout pour son rôle de Bilbon Sacquet dans Le Seigneur des Anneaux, La communauté de l'anneau. Le Seigneur des Anneaux, Le retour du roi. Le Hobbit, un voyage inattendu. Et Le Hobbit, la bataille des cinq armées. Vu également dans Le jour d'après ou encore Aviator. 1940, naissance de Linda Gray, actrice américaine connue pour son rôle de Sue Ellen Ewing dans la série Dallas, ainsi que Dallas Nouvelle Génération, vue dans la série Melrose Place dans le rôle d'Hilary Michaels ou encore Amour, Gloire et Beauté dans le rôle de Priscilla Kelly. 1942, naissance de Michel Drucker, présentateur télé français, figure emblématique du paysage audiovisuel français depuis au moins 50 ans, si ce n'est plus. Il a présenté Champs-Élysées Studio avec Gabriel, tenue de soirée. Il présente toujours Vivement Dimanche et Vivement Dimanche Prochain. 1951, naissance de Joe Pantoliano, acteur américain vu dans Les Goonies dans le rôle de Francis Fratelli, Midnight Run, Bad Boys 1 et 2 dans le rôle du capitaine Howard, dans Matrix dans le rôle de Cipher ou encore la série télé Les Sopranos dans le rôle de Ralph Cifaretto. 1952, naissance de Jerry Beck, les musiciens américains, un membre du groupe America. 1954, naissance de Jocelyne Béroir, chanteuse française du groupe Cassave. 1957, naissance de Rachel Ward, actrice britannique vue dans le feuilleton télé Les oiseaux se cachent pour mourir ou encore le film Christophe Colomb la découverte dans le rôle de la reine Isabelle. C'est également l'année de naissance de Hans Zimmer, compositeur allemand qui a composé pour le film Rain Man, le dessin animé Le Roi Lion, Le Prince d'Égypte, La Ligne Rouge, Gladiator, Mission Impossible 2, Pearl Harbor, Da Vinci Code, Inception ou encore les différents pirates des Caraïbes. Et on va s'écouter eh bien, un extrait d'une musique composée par Hans Zimmer pour Pirates des Caraïbes. Voilà pour Hans Zimmer. On continue les anniversaires. 1958, naissance d'Olivier Crumbles, ancien handballeur français reconverti en tant qu'entraîneur. Il a été joueur de 1976 à 1986 en jouant à Metz. Il est devenu ensuite entraîneur de l'équipe de Metz, de l'équipe de France junior, de 98 à 2013 de l'équipe de France féminine, avant d'être de nouveau entraîneur de cette même équipe depuis 2016. Et en tant qu'entraîneur, il est champion du monde en 2016. 2003-2017, vice-champion olympique en 2016, vice-champion du monde en 99, 2009 et 2011 et médaillé de bronze, championnat d'Europe 2002, 2006 et 2016. 1961, naissance de Mylène Farmer, chanteuse française, dont on écoute tout de suite un petit extrait de son titre « Ainsi sois-je ». Voilà pour l'extrait de Mylène Farmer. On continue. 1977, naissance de James McCartney, musicien britannique, fils de Paul McCartney. 1981, naissance de Jennifer Hudson, actrice américaine, vue dans Dreamgirls dans le rôle d'Effie Wright, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Vue également dans Sex and the City, le film, Lullaby, ou encore les séries télé Smash, ou encore Empire. 1985, naissance de Jonathan Serrada, chanteur belge. On va écouter un petit extrait de son titre « Je voulais te dire que je t'attends ». Je mettrai mon cœur dans du papier d'argent, mon numéro d'appel aux abonnés absents, mes chansons d'amour resteront là dans mon piano. J'aurais jeté la clé du piano dans l'eau. J'irai voir les rois de la brocante, vendez mon cœur 3 francs 50. Tu savais si bien l'écouter que ma vie s'est arrêtée quand tu m'as. Voilà pour l'extrait de Jonathan Serrada. On continue. 1986, naissance d'Amy Rossum, actrice américaine, vue dans Mystic River dans le rôle de Cathy Markham. Le jour d'après, Le Fantôme de l'Opéra, Poséidon, Dragon Ball Evolution, Sublime Créature dans le rôle de Ridley Duquesne, la série télé Shameless dans le rôle de Fiona Gallagher. 1989, naissance de Rafał Majka, coureur cycliste polonais, champion de Pologne sur route en 2016. Il a remporté 4 étapes de grands tours, 3 sur le Tour de France et 1 sur le Tour d'Espagne. Et à noter qu'il a été meilleur grimpeur du Tour de France en 2014 et 2016. En 1992, décédé Anthony Perkins, acteur américain connu pour son interprétation de Norman Bates, le personnage principal du film Psychose d'Alfred Hitchcock, ainsi que des suites, et vu également dans Paris brûle-t-il ou encore Le Scandale. En 2003, est décédé Johnny Cash, chanteur américain. Et en 2010, décédé décédé Claude Chabrol, réalisateur français à qui l'on doit Le Scandale, La Rupture, Les Liens du Sang, Madame Bovary, L'Ivresse du Pouvoir ou encore Bellamy. Allez, avant de faire une petite pause musicale, on va passer aux sorties cinéma, hein, comme tous les mercredis, vous en avez pris l'habitude. Et on commence avec le thriller Searching, porté disparu d'Anesh Changati avec John Cho, Debra Messing et Michelle La. Autre film, première année, comédie dramatique de Thomas Litty avec Vincent Lacoste, William Legbill et Michel Lerousseau. Autre film, Peppermint, un thriller de Pierre Morel avec Jennifer Garner, John Ortiz ou encore John Gallagher Jr. Autre film, J'ai perdu Albert, comédie de Didier Van Kovelaert avec Stéphane Plaza. Et oui, son premier rôle au cinéma, aux côtés de Julie Ferrier ou encore Josiane Balasco. Autre film, Les Degens, comédie de Cyril Droux et Claude Zidi Jr. avec Karim Ghibli, Nordine Sali et Joseph Malherba. Autre film, Ma fille, drame thriller de Nedra Ayadi avec Roche Dizem, Natacha Kriff ou encore Darina Aljoundi. Et enfin, dernier film, Mademoiselle de Jonquière, un drame romance d'Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Édouard Baird ou encore Alice Isaz. C'est ça. Allez, on va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale et on est encore en été avec ce titre. On va vraiment se croire limite sur la plage avec les cocotiers et tout ce qui va bien. C'est le groupe Kassav avec le titre Zoukla, c'est Sel Medikamanou. Voilà, j'ai réussi. One way. Sous-placer, c'est le médicament, nous, ni. Sous-placer, c'est le médicament. passer le seul médicament pour lui. Sous-classer c'est le médicament pour lui. Sous-classer c'est le médicament pour lui. Sous-classer c'est le médicament pour lui. Sous-classer c'est le médicament pour lui. C'était le groupe Kassav. Alors, je vais m'épargner de redire le titre encore une fois, mais voilà. On se serait presque cru sur une plage guadeloupéenne. Allez, on est bien dans les Vosges. Il est 8h53 et on parle météo. La météo. Et aujourd'hui, ce sera encore une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 14 et 15 degrés ce matin, entre 28 et jusqu'à 30 degrés prévus pour cet après-midi. Et oui, nous sommes bel et bien encore en été. Jeudi, journée mitigée, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 21 et 23 degrés prévus pour jeudi après-midi. Et vendredi, ce sera le retour des éclaircies, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 19 et 21 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on fait un petit point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le cyclisme et la Vuelta. Hier, c'était le contre-la-montre qui a été remporté par Denis. Le meilleur français, c'est Tony Galopin qui s'est classé 21e. Thibaut Pinot, lui, s'est classé 27e. Un mot de tennis aujourd'hui au tournoi de Québec. Pauline Parmentier affronte Emkel. En volleyball, aujourd'hui les championnats du monde avec le match France-Chine. Et on termine cette actualité avec du football. Tout d'abord en Ligue des Nations. Hier, l'Espagne a largement battu la Croatie, 6-0. Et on va parler de l'équipe de France Espoir, qui s'est déjà qualifiée pour l'Euro 2019. Eh bien, ils se sont imposés hier soir 2-0 contre le Luxembourg. Bravo à eux. Allez, c'est tout pour le sport aujourd'hui. On va maintenant marquer une dernière pause musicale avec Johnny Cash et le titre Hurt. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire. stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Johnny Cash sur RGM, il est presque 8h58, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, on fait un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 9h, ce sera Regarde ailleurs, à 10h, le retour de l'émission Les Ados avec l'IME de Saint-Amé. À 21h, ce sera la rediffusion de Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Quant à nous, eh bien, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit, et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.